Je ne prends pas le bail pour faire un débat. Avec la cible ouf là-bas. Dans le combat, la lutte, sans difficulté, ton style percute. Il percute toutes les putines, ça pas que mon sort reste brut. Je l'exécute sans discute, j'appuie mes rimes comme un couteau. Pas qu'elle rentre mieux dans ton cerveau. Il est l'heure, blaf, à la zone, allez où. Je te bave, c'est tout comme, je te donne des coups. Il est l'heure, blaf, à la zone. Expérimenter plutôt déterminé à exterminer les fous. Déterminé, pas exterminer les box, les faux MC partant pour m'éterminer. Écoute d'abord par la masse, j'y passe. Tu peux brouiller les zones après que je passe. Je croise, repasse, fais de la caillasse qui assure ta passe. Price, l'œil du tigre, c'est dire là. Depuis longtemps, tu es dans ma ligne de mire. À chaque fois que tu fais pas, je tire. Fais pas du bruit, la adresse, man. Je ne t'ai pas fait du bruit, mais du vacarme. Allumer la flamme, même foutre le feu. N'oublie surtout pas que j'habite la banlieue est. Celle que tu détestes, tu me testes. Après, test quoi, qui t'assort ou quoi. Quatrième zone, choisis RERA. La ligne à plus fréquentée de RIPA. Ne te demande pas surtout pas parce que j'habite à 10 mois. Et que tous tes systèmes viennent par là, c'est comme ça. Je touche le sol, même je t'isole dans l'entresol. La la la, que t'apprends la la gamme. Ce bail, je suis pas dread dans ta tête. Y'a protège ta tête, yeah. Il est l'heure, blaf, à la zone, allez-y. Je te baffe si tu comme, je te donne des coups. Il est l'heure, blaf, à la zone, allez-y. Je te baffe si tu comme, je te donne des coups. Il est l'heure, blaf, à la zone. Mon style est carré, t'as réparé, vous. Expérimenter plutôt déterminé à exterminer les faux. Partant fumer terminé. Expérimenter plutôt déterminé à exterminer les fox, les faux MC. Partant fumer terminé. Quatrième 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe.